On sur Réunion Première. Il est 10h, dans quelques secondes, le journal de France Info sur Réunion Première et tout de suite après votre émission, les experts qui est consacré aujourd'hui au permis de conduire et au code de la route avec Maître Com Landivier, avocat et Richard Barré, expert en gestion des risques. 10h, France Info. Pour 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. 5 prévenus, 5 condamnés au procès des violences de Cisco. Un seul écope de prison ferme. Il faut sauver le soldat Europe, recoller les morceaux pour éviter l'explosion. Sommet de crise aujourd'hui à Bratislava. Il aime la poésie autant qu'il déteste les politiques. Bernard Lavillier réédite un album paru il y a presque 40 ans et dont les textes n'ont pas pris une ride. France Info. On commence donc par ce jugement rendu au bout de la nuit après au procès des violences de Cisco en Corse. Les 5 prévenus ont tous été condamnés pour s'être battus sur une plage le 13 août dernier. Une bagarre qui a presque tourné au lynchage sur fond de tensions intercommunautaires. Un seul écope de prison ferme, c'est Mustapha Benadou. Ses deux frères, eux, sont condamnés à 6 mois avec sursis. Au tribunal correctionnel de Bastia pour France Info, Abdellah Kalidrissi. Dans le box des prévenus, Mustapha Benadou accuse le coup en entendant la présidente prononcer à son encontre 2 ans d'emprisonnement. Le tribunal a tenu compte de son casier judiciaire, déjà bien chargé, et du fait qu'il ait utilisé un harpon face aux villageois de Cisco lors de la rixe. Mais 2 ans de prison ferme, c'est trop lourd, selon Kera Flissiger-Albi, l'une de ses avocates. Il était à la plage, il se retrouve en prison avec 2 ans fermes. Mon client a payé pour apaiser la situation et a payé pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas le but. Je pense qu'un appel est obligatoire dans cette affaire afin qu'elle soit vraiment traitée sereinement. Les conseils de Mustapha Benadou doivent maintenant se concerter pour confirmer l'appel. En face, les 2 villageois ont écopé de 8 mois et 12 mois de prison avec sursis pour avoir mis un coup de pied et de poing à l'un des frères à terre. Des peines là encore jugées excessives par leur avocate, Rosemary Prosperi. Dans ce type de jugement, on a l'habitude de renvoyer les parties dos à dos. Ce qu'on peut constater, c'est que nos clients sont plus lourdement condamnés que les autres. Aujourd'hui, vous savez, M. Strabone, il part faire son pain à 4h du matin. C'est important aussi qu'il puisse tourner la page de cette histoire qui n'aurait jamais dû prendre les proportions qu'elle a prises. Malgré les déceptions liées au jugement, la sortie de l'audience s'est faite dans le calme. Il n'y avait plus grand monde pour accueillir les villageois à 4h du matin. Un campement de migrants en cours d'évacuation dans le nord de Paris. Au moins 1500 personnes, pour la plupart des Soudanais, des Afghans et des Érythréens, vivaient au mieux sous des tentes, souvent sur de simples matelas dans la rue. Ils doivent être conduit en bus dans des centres d'hébergement en Île-de-France. Il est 8h presque 3 sur France Info, un sommet pour sauver l'Europe aujourd'hui à Bratislava, en Slovaquie. Oui, ça fait très solennel, présenté comme cela, mais c'est ce que tout le monde dit, tous les responsables, il faut relancer la construction européenne. C'est le premier sommet depuis le Brexit, premier sommet à 27 sans le Royaume-Uni, mais la crise va bien au-delà, l'Europe se fissure de partout, Quentin Dickinson. Français et Allemands restent moteurs de l'opération, mais par défaut, puisque des 3 autres grands pays, l'Italie et l'Espagne, sont en proie à des crises profondes de politique intérieure et que la Pologne s'est rangée chez les nationales populistes. Cet axe franco-allemand est lui-même limité dans son efficacité, compte tenu des élections présidentielles, législatives et sénatoriales au printemps en France et des législatives à l'automne en Allemagne. Et ce n'est pas du côté des autres pays fondateurs qu'on peut espérer trouver la potion magique. Néerlandais et Belges étant gouvernés par des coalitions fragiles et qu'on ne peut pas demander raisonnablement au Luxembourg seul de redresser l'Union européenne. Chypre absorbée par sa réunification, Malte engluée dans un énième scandale politico-financier, l'Irlande gênée par le Brexit sur sa frontière nord, les 3 Baltes tétanisés par leurs voisins russes, le Portugal et la Grèce en déconfiture financière, Roumains et Bulgares s'extirpant de la corruption institutionnalisée et l'Europe centrale et orientale en pleine introspection identitaire avec de tels acteurs, on mesure bien l'ampleur de la tâche. En Syrie, l'armée et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu et l'aide humanitaire n'arrive toujours pas. L'ONU espère pouvoir faire venir à Alep aujourd'hui 20 camions bloqués pour le moment à la frontière turque. Les États-Unis n'ont pas encore complètement soldé la crise des subprimes de 2008. Ils demandent des comptes cette fois à la Deutsche Bank. Le département de la justice américain réclame 12,5 milliards d'euros à la banque allemande, accusée d'avoir vendu des crédits immobiliers risqués en les présentant comme sûrs. À Berlin, Cyril Sauvageau. C'est le pire des scénarios pour la Deutsche Bank, déjà fragilisée, en pleine restructuration et régulièrement plombée par des litiges juridiques. 14 milliards de dollars, soit 12,5 milliards d'euros. Aucune banque étrangère n'a jamais écopé d'une telle sanction aux États-Unis. Dans l'affaire des subprimes, seule la Bank of America a payé plus cher. Mais les tractations viennent seulement de commencer, a précisé hier soir la première banque allemande, qui n'a pas l'intention de payer autant. Une contre-proposition doit maintenant être présentée à la justice américaine, une offre plus conforme aux prévisions. 5,5 milliards d'euros ont été mis de côté pour faire face à ces poursuites judiciaires attendues de longue date. Le montant final de l'amende devrait donc être nettement inférieur, mais l'annonce des autorités américaines a tout de même provoqué hier soir un vent de panique chez les investisseurs. L'action Deutsche Bank plongeait de 7% en clôture. Berlin, Cyril Sauvageau, France Info. Les États-Unis rappellent 1 million de téléphones portables Samsung. Il s'agit du modèle Galaxy Note 7 qui a un gros problème de batterie. Certaines explosent. Il y a eu une centaine d'incidents aux États-Unis, dont 26 qui ont entraîné des brûlures. Cet appareil n'a pas été distribué en France. Il devait l'être le jour où Samsung a suspendu les ventes dans le monde entier. Les Français ont fait le plein de médailles hier aux Jeux Paralympiques. 7 de plus, 2 en or, 1 en argent et 4 en bronze. L'or en escrime pour les épéistes. Et également en tennis, en double pour Stéphane Houdet et Nicolas Pfeffer. Stéphane Houdet, à 45 ans, c'est une figure de la discipline. C'est tout simplement le numéro 1 mondial. Laetitia Bernard l'a rencontré. Sur les cours, il est le seul à être à genoux et non assis sur son fauteuil de compétition. Un bijou de technologie tout en carbone, ultra léger. Chaque roue pèse moins d'un kilo. Stéphane Houdet. En fait, le début de l'histoire, c'est que je suis un ancien joueur de tennis debout et que je m'étais dit, mais dès mes débuts en fauteuil roulant, que peut-être ce serait mieux de me rapprocher de la position que j'utilisais quand j'étais debout pour faire un coup droit à un revers. On a fait des années de recherche avant de trouver un fabricant, une équipe française qui ont fait avec mon prothésiste un fauteuil complètement sur mesure. Valeur ajoutée du tennis fauteuil, il existe un circuit de compétition très développé sur lequel les joueurs perçoivent des primes et qui emmène sur les plus beaux tournois du monde. On a la chance d'avoir un circuit qui suit le soleil, qui commence au mois de janvier en Australie. On joue tous les grands chelems, on partage les vestiaires avec les grands joueurs qu'on connaît, Rafa, Novak, mais on a déjà rendez-vous avec eux l'année prochaine et puis j'espère ne pas raccrocher ni mon fauteuil ni mes raquettes tout de suite parce qu'on a encore de belles choses à faire. Et aujourd'hui à Rio, Stéphane Houdet peut encore aller chercher une médaille de bronze en individuel. Rio, Clémence Bonfils, Laetitia Bernard, France Info. Et parmi les autres médaillés d'hier, notons aussi le bronze d'Amélie Le Fur sur 200 mètres. C'est son troisième podium pour ces Jeux. L'équipe de France de tennis va tenter de croquer la Croatie ce week-end en demi-finale de la Coupe Davis. Richard Gasquet et Lucas Pouille disputent les premiers simples cet après-midi. Allez, Bernard Lavilliers ne sort pas un album, il ressort un album qui a presque 40 ans. Et l'album Pouvoir, qui déjà à l'époque parlait de crise, de peur sociale et qui brocardait les puissants. Des sujets toujours d'actualité pour le chanteur de 70 ans, un homme qui garde l'espoir, mais certainement pas dans les hommes politiques. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a des poètes, tant qu'il y a des maçons qui construisent des maisons, je pense qu'il y a de l'espoir tant qu'il y a des journalistes qui font leur boulot. Je pense qu'il y a de l'espoir tant qu'il y a des professeurs des écoles qui apprennent à lire aux gamins. Moi, je mets aucun espoir dans les politiques, vous avez compris déjà. Hein. Prêt à tout et bon à rien, c'est ce que je dis. Donc, je mets de l'espoir dans la réflexion, dans la poésie, je mets de l'espoir dans les associations qui, parallèlement au pouvoir en place, font beaucoup de choses et ouvrent l'esprit des tas de gens. Donc il y a plein de gens qui réfléchissent. Et les politiques, eux, ils comptent. Donc ils réfléchissent pas. Ils sont tellement stratifiés, immobiles, parce qu'ils veulent pas perdre leur clientèle. L'empereur tire tes volets vers les 8 heures du soir et renforce tes gonds et ferme. Extrait de l'album Pouvoir qui ressort donc aujourd'hui. Il n'y aura pas de tournée mais une mini-série de concerts. Ça débutera le 22 septembre pour s'achever le 7 octobre à Paris, salle Playel. Mathilde Munoz sur France Info, à tout à l'heure, 8h30. Bonjour à tous, il est 10h09 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le soleil fait plaisir à voir aujourd'hui, il va encore briller dans le courant de l'après-midi, beau temps sur le littoral, dans les cirques et sur les hauts sommets. Les températures maximales qui se situent en dessous des moyennes saisonnières, à savoir de 24 à 27 degrés sur le littoral, 13 à 18 dans l'intérieur. Il fait froid depuis quelques jours sur les hauteurs. Un mot sur le temps de demain, donc samedi, il fera très beau. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Vos droits et vos devoirs de citoyen, il en sera question dans ce dernier rendez-vous de la semaine avec les experts. À mes côtés, Maître Comme Landivier, avocat du permis de conduire, Richard Barré, expert en gestion des risques, de la perte de vos points sur le permis de conduire, comment les récupérer, combien de temps allez-vous devoir patienter pour les retrouver, ces points, quelles sont les démarches à faire, et puis si vous avez suivi un stage de récupération, on peut en parler aussi jusqu'à 11h30 sur la première. Souhaitez-vous avoir quelques précisions sur certains panneaux de signalisation?

Je voudrais emmener tous mes amis faire la fête à Miami. Alors il me faudrait les 13 millions d'euros de l'anniversaire loto. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Nous prenons la direction de Saint-Louis. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Claude Méchir, bonjour. Bonjour Claude, bien toujours à Saint-Louis sur le CRC Tour. Aujourd'hui, je suis avec Madame Gabrielle Fontaine de France Alzheimer Réunion et je vais me permettre de lui poser la première question que je me permets de vous poser, Madame Fontaine. Est-ce que les gens ont peur de la maladie d'Alzheimer et est-ce que c'est contagieux? Alors d'abord, bonjour à tous. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est vrai que c'est une maladie qui fait peur. Parce que, en fait, quand il y a une personne malade, et puis ben, c'est toute la famille, tout le monde est embêté par cela, donc c'est une maladie qui fait peur. Est-ce qu'il y a aussi un regard différent lorsqu'on est atteint de la maladie? Oui, il y a un regard différent. La famille se sent un peu, pas comme tout le monde, donc un peu gênée. On est encore dans le déni. De cette maladie. Et c'est dommage parce que c'est une maladie qui demande beaucoup de sollicitations, c'est-à-dire qui demande beaucoup d'accompagnement et il faut qu'on soit tout à fait dans l'empathie, dans l'amour. Là, pour moi, le remède de la maladie d'Alzheimer, c'est l'amour. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme manifestation de prévu en dehors de CRC Tour? Est-ce qu'il y a une manifestation bientôt de prévu? Oui, parce que le 21 septembre, c'est la journée mondiale Alzheimer. Donc ici à La Réunion, nous aurons aussi des manifestations qui sont prévues. Donc le 21 septembre, on a deux tables rondes, une à Saint-Pierre qui se fera dans les salons de l'hôtel de ville de Saint-Pierre et une à Saint-Denis qui se fera à l'espace Redley au bas de la rivière dans les locaux du conseil départemental. Ensuite, nous avons prévu la quête sur la voie publique le 22, le 23 et le 24 septembre, donc dans les marchés, sur le cœur piétonné de Saint-Denis, enfin dans des endroits un peu bien stratégiques au niveau de l'île. Et le 25 septembre, nous avons notre grande journée sportive qui, donc, il y aura la course, une course qui partira du phare de Sainte-Suzanne et qui arrive sur le sentier littoral nord, qui arrivera au cœur vert familial à Saint-Denis. Et pour ça, c'est la course. Et puis, il y aura la marche qui débutera de Bois-Madame, toujours sur le sentier littoral nord, et qui arrivera au cœur vert familial, où il y aura un village, en quelque sorte, Alzheimer. Voilà. Rappelez-moi la date. C'est le dimanche 25 septembre. Voilà, vous l'aurez compris, dimanche 25 septembre, rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Et quant à nous sommes toujours en direct de l'hôtel de ville, sous la place de l'hôtel de ville de Saint-Louis, pour le CRC Tour. Et Jean-Claude Méchir, mercredi de 12h15 à 12h45, avec Philippe Dornier, émission spéciale sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc on note, vous notez s'il vous plaît, sur votre agenda pour ce mercredi. Voilà, merci Jean-Claude Méchir, à tout à l'heure. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. C'est votre émission de service, les experts. Ce matin, on s'intéresse à votre permis de conduire, à la perte de points sur le permis, aussi au code de la route. On en parlera avec Richard Barré, expert en gestion des risques, mais pour l'instant, il est coincé dans les embouteillages. Maître Comme Landivier, avocat du permis de conduire, est déjà présent dans le studio. Bonjour maître. Bonjour Claude, bonjour les auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on s'était vu il y a à peu près 3 semaines, évidemment, donc les auditeurs se sont exprimés sur la perte de points. Ce qu'il faut savoir, c'est à quel moment il faut faire appel à un avocat pour s'en occuper? Alors, s'agissant de la perte de points, déjà, je conseillerais effectivement à l'ensemble des auditeurs et à ceux qui prennent souvent la voiture de regarder leur solde de points actuel pour ce faire, soit se rendre à la préfecture, soit par Internet. Une fois qu'on s'est rendu à la préfecture, on nous donne ce qu'on appelle un code confidentiel qui nous permet de voir tous les jours, depuis chez soi, son solde actuel de points. Donc, c'est important parce que les artisans, les libéraux, etc., qui font beaucoup de routes, parfois sont pris par des flashs automatiques, par le contrôle automatisé et l'infraction n'arrive pas toujours au domicile. Ouais, donc ça crée des problèmes. Ils perdent leurs points s'ils ne font rien, s'ils ne se manifestent pas. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible de faire appel à un avocat pour récupérer ses points, voire récupérer son permis. Voilà. Alors, sur quel site on pourrait vérifier le nombre de points que l'on a? Alors actuellement, il y a le site Télépoints qui fonctionne très bien. Télépoints.fr, voilà, c'est télépoints.fr. Voilà, qui est gouvernemental, hein, donc aucune fausse note là-dessus. Et comme je vous le dis, il faut cependant un code confidentiel. Et ce code confidentiel-là est à rechercher à la préfecture. Par ailleurs, à la préfecture, un autre document qui nous permet à la fois de savoir son solde de points actuel, mais en plus d'avoir l'historique complet de son permis de conduire. Et ça, pour l'avocat du permis de conduire, c'est tout à fait important pour savoir quelles sont les démarches qu'on peut effectuer pour récupérer le permis. Voilà. Les démarches à faire, on en parle avec notre avocat, Maître Comme-Landivier, avocat du permis de conduire. Les questions, les réactions, 02 62 99 2000. Renmé est avec nous. Bonjour Renmé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on s'était parlé il y a quelques semaines, parce que, en fait, vous avez pris une contravention. Oui, on m'a arrêté. On m'a dit que je vais recevoir une contravention. C'était au mois d'août. Voilà. C'était au mois d'août, et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien reçu. Rien reçu. Voilà. Rien reçu. Maître, est-ce que c'est normal? Ça peut l'être, et ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle. Bah oui, écoutez ça, Renmé. Oui, ça peut être une bonne nouvelle. Cependant, je vous conseille, là, on vient justement d'en parler, c'est intéressant, d'aller à la préfecture, sous-préfecture de votre domicile. Vous êtes domicilié où, à Saint-Pierre? Saint-Louis, hein. Saint-Louis. Les MAC, voilà. Sur les hauteurs de Saint-Louis. Bon, oui. Il faut aller effectivement à la sous-préfecture de Saint-Pierre qui va vous permettre de retirer gratuitement et sur simple présentation de votre carte d'identité ce qu'on appelle un relevé d'information intégrale. D'accord. Voilà, c'est ce relevé-là qui va vous permettre de savoir si oui ou non une infraction a été imputée à votre écart et sans que vous le sachiez, c'est-à-dire sans que vous ayez reçu un avis de contravention ou un avis forfaitaire majoré. Donc ça, c'est la première démarche. C'est pour ça que je dis que ça peut être une bonne nouvelle. Il se peut également que l'officier du ministère public ait décidé de ne pas poursuivre l'infraction à votre encontre. Vous entendez? Mais j'entends très bien, peut-être. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Attendez. Maintenant, ne nous réjouissons pas trop vite. Attention. puisque c'est ce document-là qui va vous permettre de savoir si oui ou non vous avez quelque chose à votre compte, et il faudra agir en conséquence. Si vous voyez qu'une infraction a été imputée, à ce moment-là, il sera toujours possible de faire des démarches auprès de l'officier du ministère public, du ministère public compétent, en l'occurrence celui de Saint-Pierre, et de contester l'infraction en cause. Ça veut dire que moi, si j'ai pas reçu en courrier, j'aperçois ça par la façon dont vous venez de le dire. C'est encore moi qui dois contester malgré ça, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Il faudrait qu'elle en. Il faut toujours faire une démarche positive. La contestation, oui. En droit routier, il est très rare que l'automobiliste qui ne fait rien ait gain de cause à la fin. Il faut toujours une démarche positive. Je parle notamment lorsqu'on reçoit une contravention. Il ne suffit pas de ne pas payer pour que les points ne tombent pas. Évidemment, le législateur a prévu tout cela et avec l'émission d'un titre exécutoire, ça vaut perte de points. Donc là, c'est un peu ce qui risque de vous arriver si. Là, c'est bien l'hypothèse de si, effectivement, l'officier du ministère public a décidé de poursuivre. Alors, la question, est-ce que quand vous avez été interpellé, est-ce que vous aviez votre permis de conduire sur vous avec une adresse qui... L'adresse du permis de conduire est actuelle Ils ont pris à part mon adresse, ils ont noté ça sur... D'accord. Parce qu'il y a eu un changement d'adresse. De voiture. De voiture. D'accord, mais ils ont bien pris l'adresse que vous occupez actuellement, hein. Voilà, mais ils m'ont pas demandé de carte d'identité, tout ça, mais enfin bon. Voilà. Bon, très bien. Bon, avec tous ces changements d'adresse, il faut faire toutefois attention parce qu'ils ont peut-être relevé l'information par procès-verbal électronique. Tout cela, c'est un contrôle automatisé par Rennes, etc. Et donc, c'est Rennes qui gère tout cela. Il est possible aussi qu'avec votre plaque d'immatriculation, ils aient envoyé à l'ancienne adresse. Donc, c'est pour ça que je vous dis... absolument aller à la préfecture, sous-préfecture de Saint-Pierre, demander un relevé d'information intégrale et peut-être de nous rappeler à ce moment-là pour savoir si une infraction a été mise oui, à votre encontre. Oui, parce que je tiens à contester cette J'entends bien, je me souviens des motifs de votre contestation. Ah oui, je suis retournée sur place, il n'y a pas de flèche au sol, si je dois tourner à droite ou à gauche, bien sûr il y a des zébras un peu plus loin, mais moi je n'ai pas franchi de zébras, rien. Je leur ai dit, il n'y a pas de panneau de signalisation, et ils ont pris compte que oui, en effet, ils ont fait la demande et tout, ça porte à confusion, oui. Donc là, en fait, donc elle devra encore un tout petit peu patienter, maître. Ou faire des démarches, oui, pour aller voir. D'accord. Oui, non. Allez à la préfecture et dites-nous ce qu'il en est. D'accord, Anne-May. D'accord, mais voilà, je vous rappelle alors. Exactement, oui, avec ce document-là, oui. C'est nous qui allons très vous rappeler, bien. Surtout. Très bien. Merci, Anne-May. Passez un très bon week-end. Ben, et soyez prudente sur la route, hein. Ah ben toujours. Mais parce que moi j'aurais pas fait j'aurais pas traversé cette voie si ça n'était pas permis. Ben non. À bientôt, Renmé. Merci beaucoup. De la perte de vos points sur le permis de conduire, comment les récupérer? Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la contestation de la contravention, Maître Comelin Divier, avocat du permis de conduire, est avec nous. Les questions et les réactions au 02 62 99 2000. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres. Elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Thank you. toi. Jean-Jacques Goldman sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Comment récupérer les points perdus sur le permis si vous voulez contester la contravention? Donc, c'est possible d'en parler sur la première avec notre expert. C'est Maître Comme-Lantivier, avocat du permis de conduire. Les questions au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Maître, une question notamment d'un auditeur par SMS, c'est qu'en est-il des vitres surteintées? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les vitres surteintées. C'est en application à partir de quand? En 2017 Oui, oui, c'est ça, le 1er janvier 2017. Et il faudra effectivement que l'automobiliste, le conducteur, je dis le conducteur, je vais y revenir, soit en règle avec cette nouvelle, cette nouvelle réglementation. Donc, qu'il dit que les vitres teintées... Surteintées ou surteintées? Oui, on dit du surteintage, oui, mais bon, ça revient au même. Hein. Il ne va pas y avoir là-dessus de débat sur le vocable utilisé. Les vitres teintées doivent laisser passer à minima 70% de la lumière. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de flou à propos de cette réglementation. On attendait un décret d'application. Il est parvenu, mais il ne nous dit pas grand-chose par rapport aux moyens qui vont être utilisés par les agents des forces de l'ordre pour pouvoir effectivement mettre ou non cette contravention. Effectivement, le code de la route, dès lors qu'il y a une mesure à appliquer, pour les excès de vitesse par exemple, il y a des radars qui mesurent la vitesse, les cinémomètres. Pour le taux d'alcool, c'est l'éthylomètre. Il y a toujours des appareils qui sont homologués, c'est-à-dire que c'est l'État qui... il y a des organismes indépendants précisément qui vérifient annuellement ces appareils-là. Là, s'agissant des vitres teintées, on ne sait pas. Alors, il existe des photomètres qui viennent justement détecter le taux de lumière qui passe à travers une vitre. Donc, ces appareils-là existent. On sait qu'ils sont assez chers. Et surtout, on sait aussi qu'ils sont pas très fiables. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests qui ont été faits avec ces photomètres et qui ont révélé que d'un test à l'autre, selon qu'on s'en positionne avec un angle différent, etc., on se retrouve avec des taux différents. Donc, ce qui montre bien qu'on n'a pas une fiabilité totale de ces mesures-là, et si tant est qu'on parvienne à de telles mesures, à ce moment-là, les contraventions qui vont tomber à partir de janvier 2017 pourront être attaquées, notamment sur ce fondement-là. Bon, il y en aura probablement d'autres, mais c'est l'une des pistes déjà. Bon, alors on sait que ça coûte cher pour en mettre, mais que ça va coûter cher aussi aux propriétaires de la voiture de les enlever. Effectivement, et alors il faudra enlever. Alors, on parle bien là des vitres latérales avant. C'était déjà prévu cette interdiction pour les pare-brises, ça ne faisait pas de difficulté jusqu'alors. Donc, en clair, on peut les garder, les vitres surteintées à l'arrière. Là, à l'arrière, tout à fait. À l'arrière, oui. À l'arrière, c'est tout à fait permis. Côté conducteur, côté passager, non. Voilà, exactement, vitres latérales des deux côtés. Autre chose d'intéressant, c'est que ce n'est non pas le propriétaire du véhicule qui sera sanctionné, parce que s'agissant des équipements de l'automobile en général, c'est le propriétaire, c'est-à-dire le titulaire de la carte grise, qui est sanctionné. Là, en revanche, ce sera le conducteur, c'est-à-dire que celui à qui on aura prêté le véhicule ne pourra pas se dédouaner en disant « mais ce n'est pas le mien, on me l'a prêté, ou alors c'est celui de l'entreprise. » Il faudra que ce soit lui-même qui paie. Et c'est là toute la difficulté, parce que je pense notamment aux employés de certaines sociétés qui ont des véhicules à vitres teintées. Ils seront eux-mêmes redevables de cette infraction, qui, je le rappelle, une infraction de 4e classe, 135 euros, minora 90, mais ça fait tout de même cher. Si vous souhaitez poser des questions sur les vitres surteintées, on en parle avec Maître Comme-Lantivier, avocat du permis de conduire au 02 62 80 29 2000. Et puis alors, le nombre de points que l'on risque de perdre si on a ces vitres surteintées? Alors, il n'y a pas de perte de points. On entendait parler de 3-4 points, non? C'est pas ce qui avait été dit un temps. C'est une contravention de 4e classe. Alors, laissez-moi vérifier cela. 3-4 points, non? Alors, en général, c'est 3 points s'agissant des infractions de 4e classe. Ouais. Mais là, je vérifie parce qu'en général, lorsqu'il s'agit d'équipement, il n'y a pas de perte de points. Donc, je vais vous dire ça dans 2 minutes. Là, j'ai les documents avec moi. Alors, vous allez réagir sur la question de Matt de Grandbois dans le Sud. Il dit que le site télé.fr, hein, c'est ça, on parlait de ça tout à l'heure, ne fonctionne plus depuis l'arrivée de Windows 10, donc qui est installé sur son ordinateur. C'est ce qu'il nous dit. Et puis alors, c'est compliqué de se rendre disponible pour aller à la préfecture, vérifier le nombre de points. Que faire? C'est sa première question. Y a-t-il une mise à jour du site à faire, car rien ne l'indique? Ça, c'est sa deuxième question. Et puis, merci beaucoup pour... un petit remerciement. Merci pour donc notre émission des experts. 02 62 99 2000 pour poser vos questions aux experts du permis de conduire sur la première. Nothing that I didn't need. Cause they didn't offer classes in what I wanna be. They didn't offer manhood responsibility. Had to learn it the hard way. Earn my degree in the streets. Graduated from hard knocks. I got my education in hard knocks. Hard enough. Got the bumps and the bruises to prove it. Hard enough. Canvas to the ceiling without feeling the burn. And I ain't got nothing that I didn't earn. Chasing that dollar, still hitting the books. Standing down in Stephen. I learned to tell the hoops. Talk about those hard knocks. Got the bumps and the bruises to prove it. Hard knocks. Got the right and the reason to choose it. Hard knocks. Out on the street. Hard knocks. Had a real good teacher. Never missed to laugh. Chemistry, but he taught me how to fight. Didn't teach biology, but I learned it from the birds and bees. Said stay close to your friends, closer to your enemies. That's right. That's right. So bad. I graduated from hard knocks. I got my education, hard nuts. Getting into that situation, hard nuts. Got the bumps and the bruises to prove it, hard nuts. Oh, no. Cela vous est arrivé de contester les contraventions, on peut en parler. Maître Comlantivier, avocat du permis de conduire, est avec nous sur Réunion Première. Combien de temps allez-vous devoir patienter pour retrouver des points perdus sur le permis, les démarches à faire? Et si vous avez suivi un stage de récupération de points, on peut aussi en parler sur la première au 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Joe est avec nous, Joe de l'Ouest. Bonjour. Oui, bonjour. Juste une petite question. Les vitres surteintées, oui. Elles sont fabriquées à partir de du ciel, elles sont d'origine ou c'est ensuite réinstallé par les propriétaires des nouvelles voitures? Oui, parler des spécialistes aussi. Oui, parce qu'en fait, on trouve des voitures aujourd'hui avec des vitres qui sont... Oui, tout à fait. Et elles devront évidemment respecter cela. Là, on rentrerait dans un droit de la consommation si, évidemment, à partir du 1er janvier 2017, on vous vend une voiture avec des vitres non conformes, vous pourriez demander tout à fait à votre concessionnaire qu'il se conforme, nous, justement, à cette nouvelle réglementation. Mais là, effectivement, on parle surtout des vitres qui font l'objet d'un surteintage. C'est pour ça que Claude vous le mentionnait tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, avec un professionnel de la teinte des vitres qui vient vous apposer un film Et la plupart du temps, ces films dépassent ce taux de lumière de 70%. Voilà. Donc, on parle surtout de ces films qui sont imposés par ces professionnels-là. Et si c'est au départ de l'usine, je dirais que le gouvernement doit mettre la pression derrière les constructeurs. Je veux dire, à chaque fois, ne pas taper sur les petits, parce que c'est facile de taper sur les petits conducteurs. Je pense, d'aller voir les constructeurs. Oui, non, mais je pense que les constructeurs donc vont tenir compte, évidemment, de cette loi. Bien souvent, ils jouent avec le gouvernement. Hein, c'est eux qui décident, c'est eux qui font le beau temps et la pluie. Hein, ce sont les constructeurs, ce sont les donneurs d'ordre. Bien souvent, nos politiciens, ils sont là comme par avant. Hein. Je veux dire, un gros constructeur, il peut jouer avec... Vous voulez jouer ? Je délocalise, j'irai bosser ailleurs. Et bien souvent, la France, elle laisse, elle dit, ben, c'est comme ça, nous laissons tomber. Et on va taper sur les petits. Les petits n'ont pas de retour. Mais alors, on leur prend le permis, on leur prend les sous. S'ils veulent pas payer, on tape sur le compte bancaire. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est toujours les petits qui sont en train de payer les conneries. Alors, on tape les petits. C'est comme les voitures gonflées, on vend des pièces pour les petites motos. Non plus! Construire, ne plus fabriquer. Après, il n'y aura plus de problème. On fabrique, on laisse faire, on met sur le marché. Les gens achètent. Et après, on tape toujours le gouvernement. Le gouvernement qui est très catholique. On va quand même donner une information parce qu'on en parlait tout à l'heure, ces vitres surteintées. C'est aussi la perte de points, maître Comblain-Desvilliers. Oui, effectivement. Vous faites bien attirer l'attention là-dessus. C'est non seulement une contravention de 4e classe, donc punie par une amende de 135 euros, qui peut monter jusqu'à 375 lorsqu'elle est majorée. Et il faut savoir également une chose, c'est que lorsque l'on conteste, on peut tout à fait, ce seuil-là peut tout à fait être dépassé par le juge, qui peut lui monter jusqu'à une amende de 750 euros. Donc, 750 voilà, euros. Il faut bien distinguer ces différentes strates. De cette contravention de 4e classe. Elle est mineure à 90 et forfaitisée à 135 euros. Et par ailleurs, vous le faites bien de le dire, c'est 3 points qui sont retirés sur le permis du conducteur. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de mal à un permis qui est, comme vous le savez, un capital maximal de 12 points. Donc là, on parle du quart du point qui pourrait être retiré à la suite de cette contravention-là. Pour finir, je vous dirais, on a tous appris ce truc à l'école, le vase de soissons, il faudra un total s'en rappeler de ça. Le peuple se retournera un jour. Non, parce qu'on tape trop souvent sur les petits. Moi, je trouve dégueulasse. On laisse faire, on laisse fabriquer, et après, on met la pression sur les petits. Les petits n'ont pas de force. On les tape, pointe de permis, de points sur le permis, les amendes, si on ne veut pas payer, on bloque le compte bancaire. C'est facile, on ne peut pas. Mais un milliardaire, ils peuvent vous jouer des tours. Mais tôt ou tard, le peuple se réveillera. Parce que moi, je suis quelqu'un d'outré. Il y a des trucs qui me déplaisent dans cette Je peux comprendre tard, votre... Je comprends. Donc, on verra, vous allez voir. On rigolera tôt ou tard. Merci, Jo. Merci pour votre message. Donc, votre coup de gueule, surtout. Alors, maître Comblain-Desvilliers, avocat du permis de conduire, répond à toutes les questions au standard de la première, au 02 62 99 2000. Je reviens donc sur la question de Matt tout à l'heure, qui disait par SMS notamment qu'il était un petit peu embêté avec le site de télé.fr qui avait un petit peu de mal à fonctionner avec le nouveau logiciel de Windows. Et il posait la question suivante, c'est plutôt compliqué de se rendre disponible pour aller à la préfecture vérifier le nombre de points. Que faire ? Ça, c'était sa première question. Je pense que cet auditeur fait référence au fait que la préfecture, il y a beaucoup de monde, notamment au service permis de conduire. Donc, il faut effectivement patienter, soit y aller très tôt, soit en fin de journée. Je ne sais pas exactement quels sont les horaires les plus favorables pour les automobilistes. Je sais que c'est difficile, notamment parce que ces personnes-là travaillent et que donc il faut s'y rendre soit avant le travail, soit prendre un jour de congé pour cela. Alors ça commence à être un peu pénible. Mais il faut absolument aller au moins une fois à la préfecture pour prendre ce code confidentiel. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je fais quand même référence à ce nouveau site qui vient d'ouvrir, également un site gouvernemental, c'est France Connect. J'en reparlerai, je vais chercher l'adresse exacte. France Connect, voilà. Qui permet et qui va bientôt suppléer ce site télépoint.fr. Donc ça peut être une bonne nouvelle, on se dit que les choses vont mieux fonctionner. Simplement, moi j'ai toujours, j'analyse les choses quand même, j'ai toujours un petit bémol à mettre sur ce site-là, c'est que les identifiants que l'on va devoir mettre, ce sont les mêmes identifiants que pour l'avis d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander votre identifiant fiscal, le numéro d'identification fiscale, me semble-t-il. Oui, Moi, je n'aime pas trop quand les, les administrations se connectent avec un seul numéro. C'est pour ça que je me méfierais. Maintenant, je suis peut-être un petit peu paranoïaque. Peut-être que des auditeurs qui connaissent très bien le système pourront me contredire. Mais j'en reparlerai de ce site-là. Il est probablement intéressant, mais je préfère mettre un bémol pour le moment. Profitez de la présence de Maître Comlandivier, avocat du permis de conduire, pour réagir au standard de la preuve. Nous sommes sur la perte de points sur le permis. Comment récupérer ces points? Et si vous avez déjà contesté une contravention, vous composez le 02 62 99 2000. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Loto, loto, loto. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Il est 11h moins le quart sur la première. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Claude Méchir en direct de Saint-Louis. Oui, Claude, et je suis en train d'essayer de convaincre Chloé que lorsqu'elle aura son diplôme, il faut absolument qu'elle s'en aille un peu voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors Chloé et Johanna sont du lycée Saint-Paul 4, SP3S. Bonjour mademoiselle, bonjour Johanna, bonjour Chloé. Bonjour. Alors la raison de votre présence ici, c'est Chloé qui me répond. Quelle est la raison de votre présence ici sur ce site? Alors aujourd'hui, nous avec notre lycée, on a fait un partenariat avec la CRC, la Caisse Réunionnaise Complémentaire. Nous, on vient du lycée Saint-Paul 4, on est en BTS SP3S, service prestation des secteurs sanitaires et sociaux. Donc, dans le cadre de notre formation, la journée correspond bien à nos projets et à ce qu'on aimerait faire plus tard, c'est-à-dire être dans le social, accompagner les individus. Voilà. Et alors, ça se fait sur 2 ans, puisque vous êtes en deuxième année. Une fois que cette deuxième année est terminée, qu'est-ce que vous allez faire après? Après, déjà, on sera technicien avec l'obtention de ce BTS, mais on peut aussi aller vers les licences professionnelles. Donc en intervention sociale, action sociale, en fonction de ce qui nous plaît. Donc tout ça pour travailler avec les gens demain, les accompagner, comme je l'ai dit. Et voilà. Et combien d'élèves sur le site aujourd'hui environ? Nous sommes une dizaine à peu près, un peu de première année, puis de deuxième année. Et avec le prof qui nous accompagne. Voilà, merci à vous. Donc je ne sais pas, il va falloir la travailler au corps, en tout cas pour lui donner envie de partir. Parce que l'avenir, je pense qu'il passe Chloé, ça passe vraiment par le départ et revenir après pour apprécier un plus la saveur de son île, n'est-ce pas Chloé? Oui, mais c'est vrai, mais bon, après, tant qu'on est à l'île de la Réunion, ça c'est super. Non, on n'est pas d'accord avec vous. Voilà, Claude, je vais essayer de la convaincre tout au long de la journée. En tout cas, ici à l'hôtel de ville de Saint-Louis, ça se passe très très bien. Merci mademoiselle. Merci au lycée Saint-Paul 4 qui depuis hier a bien répondu à nos questions. Vous serez aussi du côté de Saint-Paul demain et à Saint-Denis au Jardin de l'État. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Réunion Première. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Maître Comlandivier, avocat du permis de conduire, est avec nous sur Réunion Première. Il répond à toutes les questions. Nous aurons Mickaël au téléphone. Il a été flashé, donc on en parlera avec lui. Il est de Saint-Louis. Petite question, Maître Comlandivier, avant d'entendre Cassia sur la première. Puis-je aller à la sous-préfecture de Saint-Pierre, même si j'ai passé mon permis en métropole? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que veut dire l'auditeur, en fait? Alors, il veut dire par là qu'il a passé son permis en métropole et qu'il se pose la question s'il peut consulter son solde de points actuel dans n'importe quelle préfecture. Oui, c'est le cas, effectivement. Lorsque je disais tout à l'heure à l'auditeur qui habite au MAC d'aller à la préfecture de Saint-Pierre, c'est parce que c'est la plus proche. Mais elle peut tout à fait se rendre à celle de Saint-Denis ou en métropole si elle se trouve en métropole. Donc, ça, il n'y a aucune contradiction. Il suffit simplement d'une carte d'identité. Et voilà, c'est un document qui est gratuit, je le répète. 02 62 99 2000 pour toutes les questions à Maître Comlandivier, avocat du permis de conduire, par SMS au 06 92 70 2000. pour faire plaisir. Mettre la haine des côtés, l'amitié, ça vaut plus ce qu'il a mené. A B ou V N ou le Dieu, qui tape ce qui peut passer dans nous la vie. Et n'a trop beaucoup de division, bien coopérer. Moi j'aime nous pas vent du vent. Camarade, camarade. Vive pour ma frère. Nous ne grandissons même la terre. Arrête la guerre. Nous bisons pas donner. Comme on imagine tout ça là. Nous bisons rien à courage. La vie découte ça. Nous bisons vivre dans la paix. Tout bon camarade. Sinon nous coupons là en place. Camarade, camarade. Ça vaut plus ce qu'il a monnaie. A B ou V N ou le Dieu. Et tapez ce qui peut passer dans nous la vie. Et n'a trop beaucoup de division, puis un coopéré. Mon chien nous pas vent du vent. Camarade, camarade. Grandis-nous même la terre, arrête la guerre, nous bisons pas donner. Comme on imagine tout ça là, nous bisons rien à courage, la vie découte ça. Nous bisons vivre dans la paix, tout bon camarade, sinon nous coupons en place. Ouais. Camarade, camarade, camarade, camarade, ensemble, nous mons la main dans la main. Culte de l'île Maurice à l'instant, Cassia sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Saint-Louis, Mickaël. Oui. Bon, alors Maître Comlandivier, avocat du permis de conduire, est là, il va vous écouter. Parlez-nous de ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Vous avez roulé à 90 km/h au lieu de 70 km/h. Expliquez-nous. Oui, bonjour Maître. Alors, bonjour. Sur le pont de la rivière Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui. Oui, l'ancien pont, j'étais à 90 km/h. Ils m'ont flashé, ils étaient cachés derrière une borne et à la fin du pont. Oui. Le gendarme m'a arrêté tout de suite et il m'a notifié la contravention. Je l'ai attendu et j'ai jamais reçu la contravention. Sauf qu'au mois de septembre, Oui. Je reçois une amende du tribunal de 375 euros. Oui. 375 euros. Alors attendez, parce que c'est pas du tribunal. Hein. Il faut bien rectifier la chose. C'est le Trésor public. Trésor public. Voilà, qui émet ce qu'on appelle un titre exécutoire. C'est l'AFM qui vaut titre exécutoire. L'AFM, c'est l'avis forfaitaire majoré. Mais alors, ce qui est important, c'est de savoir ça s'est passé quand ça. En avril. En avril, donc là on est au mois de septembre. Oui. Voilà, on rejoint un petit peu la première auditrice qui nous a appelé à Saint-Louis ou à Saint-Pierre, je ne sais plus, et qui nous disait que pour l'instant elle n'avait jamais Saint-Louis reçu. Saint-Louis, Voilà, ça peut être une bonne nouvelle puisque l'officier du ministère public peut décider de ne pas poursuivre, mais en revanche ça peut être une mauvaise aussi parce que l'avis forfaitaire initial ne vous a jamais été adressé. Ou en tout cas, s'il l'a été, il n'est pas parvenu à votre domicile, l'effet est le même. Vous n'avez jamais eu connaissance de celui-ci et donc vous n'avez pas pu exercer vos droits, vous n'avez pas pu soit la contester, soit tout simplement payer l'amende minorée à 90 au lieu de 135, c'est déjà ça de gagné. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, par rapport à cette contravention de 90 Moi, et à l'origine, je voulais la contester. J'ai lu qu'on pouvait la contester sur le fait que le radar, il y avait une manière de la poser. Enfin, moi, je dis qu'il y a un droit, il y a deux parties, il y a possibilité de contester et on conteste. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Vous faites bien de le dire, puisqu'on a l'impression, je le dis souvent, que face à une administration qui est très lourde, et notamment avec les contrôles automatisés, les procès-verbaux électroniques, les flashs automatiques, etc., c'est à peu près plus de 4100 radars fixes qui sont sur tout le territoire national. Une grosse administration dans 11 000 m² de locaux qui s'appelle le CNTS, le Contrôle National des Traitements Automatiques. Automatiser des infractions. Et face à tout cela, on a l'impression qu'on est tout petit, qu'on ne peut rien faire. Heureusement, le code de procédure pénale prévoit qu'on a le droit de se défendre et vous-même, vous faites bien de le dire, vous avez le droit de vous défendre, d'autant plus qu'il y a d'abord quelque chose qui s'est mal passé, vous n'avez jamais reçu l'avis forfaitaire. Ouais. En revanche, il vous est toujours possible de contester. Vous avez 3 mois pour ce faire, c'est écrit au verso de votre avis forfaitaire majoré. Vous avez 3 mois pour contester l'infraction. Il faut le faire par recommandé accusé de réception. Et vous dites sur une page blanche, une feuille libre, les motifs pour lesquels vous contestez l'infraction. D'accord. Voilà. C'est tout à fait possible et vous avez 3 mois pour ce faire à compter de la date du courrier que vous avez reçu. Si vous ne faites rien, les points vont tomber et il sera trop tard par ailleurs pour agir. Donc vous avez ce délai de 3 mois qui vous est imparti, faites-le dans les formes et les délais légaux et vous faites bien une photocopie de tous les documents que vous joignez à votre requête pour que vous puissiez la justifier si jamais on vous dit que vous devez payer cette amende de 375 euros par la suite, ce qui peut arriver. Très bien. Michael, vous avez toutes les infos et puis on prendra un petit peu de vos nouvelles dans quelques temps, d'accord ? Merci. Et bien alors d'ici là, soyez prudents, respectez. Respectez les limitations de vitesse, oui. Ce qui est vicieux, c'est que le pont de la rivière Saint-Étienne, l'ancien pont, il est à 70 et le nouveau pont qui est juste en face, il est à 110. D'accord, ouais. Et ce jour-là, ils s'étaient donné à cœur joie. Ils ont arrêté entre moi, avant et après, une bonne quinzaine de personnes. Oui, c'était vicieux. Bon, mais restez, soyez prudents. Oui. D'accord ? Merci. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Je vais saluer Philippe de Saint-Paul. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Oui, Philippe, on vous retrouve dans moins de 5 minutes sur la première, s'il vous plaît, parce qu'il va y avoir l'information à 11h sur Réunion Première et on vous appelle. Donc, vous souhaitez en savoir un peu plus sur le retrait de points. Maître Comme-Landivier, qui est avocat du permis de conduire, va tout vous donner comme renseignement, d'accord ? D'accord, j'attends merci. Donc Philippe. Hein, on vous rappelle, Philippe. Merci à vous. Okay. À très bientôt sur la première. fin de matinée à l'écoute de la première, il est 11h. L'info avec Jean-Paul Mélade. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. L'enquête sur la disparition de Judith Abénard semble avoir grandement progressé. Sa petite amie a été mise en examen pour assassinat. Elle est la dernière à avoir vu Judith Abénard fin juillet à l'étang Salé. Un témoin aurait assisté à une violente dispute entre les deux femmes. Autre jeune fille activement recherchée, Charlotte Jouk, est âgée de 21 ans. La gendarmerie de La Réunion a lancé un appel, y compris sur Facebook, pour tenter de la retrouver. Charlotte habite Sainte-Rose, elle aurait menacé de mettre fin à ses jours. La jeune femme mesure 1m70, 60 kg, cheveux blonds et yeux bleus. Elle porte une veste, un pantalon noir et un chemisier rouge. Si vous disposez d'informations, un numéro à retenir, celui de la gendarmerie de Sainte-Rose, le 02 62 47 20 20. Aux assises, c'est Jean-Alex Boyer qui est dans le box des accusés depuis ce matin. En 2009, il a tué son père et gravement blessé sa petite mère. Selon Jean-Alex Boyer, il n'aurait pas porté assistance à sa compagne qui avait fait un malaise. Hier, un sexagénaire a été condamné à 6 ans de prison pour viol. Aux assises, toujours, il avait abusé entre 97 et 98 d'un membre de sa famille, alors âgé de 11 ans. Le coup de colère de Daniel Gontier, il n'est pas content du départ de Marilyn Moirault, la directrice du Parc National, démise de ses fonctions par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Le président de cet organisme regrette ce retour au temps des colonies, selon ses termes à lire dans une interview accordée au quotidien de ce jour. La manifestation contre la loi travail n'a pas attiré grand monde. Hier, 200 personnes se sont réunies devant la préfecture, seulement la moitié à Saint-Pierre. 5 syndicats plaident pourtant à la grève pour demander l'abrogation du texte. Cette bonne nouvelle, à partir du 1er octobre, les colis postaux devraient arriver plus vite dans les boîtes aux lettres du Sud. Le traitement douanier sera en effet recentré sur Saint-Denis dès le mois prochain. La Poste estime aujourd'hui que c'est plus simple et donc plus rapide de les traiter dans le chef-lieu. En sport, troisième journée de pré-national de basket chez nous. Ce soir à 20h30, Saint-Paul et Glandorient, Tamponnaise, c'est aux montagnes. En handball, cinquième journée avec 4 rencontres. À 21h, La Saline-Saint-Pierre. À 21h15, Brapanon-Château, Joinville-Possession, JSB-Bonnef et Saint-Gilles-La-Cressonnière. Dans 30 secondes, 11h03, fin de cette édition, je vous retrouve à midi. L'info nationale et internationale développée par nos confrères de France Info. De 6 mois avec sursis à 2 ans de prison ferme pour les 3 frères d'origine marocaine jugés par le tribunal correctionnel de Bastia. Ils sont condamnés pour des affrontements sur une plage de Cisco en Corse cet été. Les villageois qui ont pris part à ces violences écopent de peine avec sursis. Ces événements avaient déclenché la polémique sur le burkini après des rumeurs finalement infondées. Le début de l'évacuation d'un campement de migrants tôt ce matin entre les métros Jaurès et Stalingrad dans le nord de Paris. Au moins 1500 Afghans, Soudanais, Érythréens en majorité se sont installés sous des tentes et sur des matelas dans des conditions insalubres. Le lieu est souvent utilisé pour des réceptions ou bien des mariages. Ce vendredi, c'est une Union européenne en plein divorce qui occupe le château de Bratislava en Slovaquie. Premier sommet informel des 27 après le Brexit. Il s'agit avant tout de tracer une feuille de route autour des questions de sécurité et de défense sans le Royaume-Uni. Ce serait la plus lourde amende jamais payée par une banque étrangère aux États-Unis qui réclame 14 milliards de dollars à la Deutsche Bank, un litige en lien avec la crise immobilière des subprimes de 2008. La banque allemande n'a pas l'intention de payer cette somme. En football, 19 ans après, Nice manque ses retrouvailles avec la Ligue Europa, défaite 1-0 à domicile face à Schalke 04. Autre duel franco-allemand, Saint-Etienne arrache le match nul, 1-1 à Mayence. Un coup d'œil sur la météo. Avec ce soleil qui fait plaisir à voir aujourd'hui, il va encore briller dans le courant de l'après-midi. Beau temps sur le littoral, dans les cirques et sur les hauts sommets. Les températures maximales qui se situent en dessous des moyennes saisonnières. De 24 à 27 degrés sur le littoral, de 13 à 18 dans l'intérieur. Et puis il fait froid surtout depuis quelques jours sur les hauteurs. Vos droits et devoirs de citoyens, il en est question dans ce rendez-vous avec les experts sur la première jusqu'à 11h30. Maître Comme-Landivier, avocat du permis de conduire, répond à toutes les questions. Nous serons en ligne tout à l'heure avec Philippe et Florence. De la perte de vos points sur le permis de conduire, comment les récupérer, combien de temps vous allez devoir patienter pour les retrouver, les démarches à faire, on en parle sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. sentiment, tous les deux pour longtemps. Premier jour, moi la rencontre à Rukavri. Moi la tombe amoureuse. Bien vite à Rou, pour dans un ségal vers moi. Oui, un grand sentiment, tous les deux pour longtemps. Mais quand l'amour y commence dans la vie, les jolis, un grand sentiment, tous les deux pour longtemps. Quand l'amour est fini, mais aussi dans la vie, un grand sentiment, n'y pense à moi chaque instant. Mais quand l'amour y commence dans la vie, les jolis, un grand sentiment, tous les deux pour longtemps. Oui, mais quand l'amour est fini, mais aussi dans la vie, un grand sentiment, n'y pense à moi chaque instant. Votre dernier rendez-vous de la semaine avec l'émission Les Experts, votre émission de service sur la première. Les Experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Philippe, merci d'avoir patienté. Rebonjour. Vous êtes de Saint-Paul, Philippe. Oui, et je vous présente Maître Comme Lantifié, avocat du permis de conduire. Votre question, s'il vous plaît, Philippe. Bonjour, Maître, et bonjour tout le monde sur le plateau. Le décret sur les permis à points, je crois que c'est paru aux alentours de 89. Les PV. Non, le décret du permis à points. Les décrets du permis. Et qu'en est-il des permis qui ont été obtenus avant 89? Est-ce qu'il y a un décret maintenant qui autorise la prise des points sur les permis avant 89? Maître. Voilà. S'il vous plaît, j'ai eu un petit problème technique. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Donc, pour ceux qui ont obtenu le permis depuis avant 89, oui. Est-ce qu'on a le droit de la prélever des points? Ah oui, bien sûr, oui, ça c'est une question récurrente qui revient par définition. Tous les permis sont concernés par cette réglementation du permis à points qui est entrée en vigueur en juillet 92, voilà. Il faut bien le répéter puisque les gens effectivement pensent que ils échapperont à cette réglementation qui effectivement est très stricte. simplement parce qu'ils auraient passé le permis avant. C'est complètement faux. Effectivement, c'est des rumeurs qui circulent et qui sont augmentées par les réseaux sociaux. Donc, ça va très vite. Parfois, ça fait le buzz. Et évidemment, ça le fait d'autant plus parce c'est que c'est une ça, fausse rumeur. Voilà, parce que ça, c'est censé apporter une bonne nouvelle. Alors, quand on a des bonnes nouvelles, on les diffuse. Mais c'est totalement faux. Il faut faire attention à cela. Donc, je vous conseille, moi, pour toutes ces personnes qui le pensaient jusqu'alors, comme on le disait au début d'émission, d'aller consulter le solde de points actuel pour savoir si des infractions nous ont été imputées sans qu'on le sache. Oui. Voilà. Alors, je voulais poser cette question parce que, comme vous dites, il y a tellement de polémiques. On raconte n'importe quoi. Il n'y a pas eu de précision si vraiment les permis avant 89 étaient pris en compte. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont tranché le débat depuis fort longtemps. Sachez que les juristes et les gens qui connaissent le métier, les auto-écoles, etc., le savent parfaitement. Tous les permis sont à point. Voilà. On ne peut pas dire mieux. Même le vôtre, Philippe. Hein, bon, on est d'accord. Oui, bon, depuis 1964, c'est pour la raison pour laquelle je Depuis 1964 Bien sûr. Ouais. Alors, juste une petite question. Vous avez encore tous les points sur le permis? Oui. Enfin, non, on m'a enlevé 3 points il y a 2 ans. Ben, je crois que je ne vais pas tarder à récupérer les points. C'était pour le téléphone au volant? Non. Je revenais d'une fête et puis c'était bon. Ben, il y avait autre chose. Okay. Très bien. Bon, écoutez. Yeah. Merci pour votre réponse. Ok. Merci à vous, Philippe. Merci pour cette émission. Hein, continuez comme ça. Merci. Mais merci de votre fidélité, surtout avec la première. Maître Comlandivier, on perd 3 points pour le téléphone portable ou 4 points? C'est 3. C'est 3 points pour le téléphone portable. Contravention de 4e classe, 135 euros et 3 points. Voilà. Oui, mais maintenant, est-ce que si on mange au volant, si on boit quelque chose, est-ce qu'on a aussi des points? Alors, il n'y a pas de perte de points. Ça, c'est une infraction qui est spécifique, qui est liée un petit peu à celle du téléphone. Effectivement, l'agent verbalisateur peut tout à fait dire que vous n'êtes pas en état de suivre ce qui se passe devant vous et de tenir le volant. Mais il doit parfaitement caractériser sur son procès verbal d'infraction, qui est le seul qui fait foi devant les tribunaux. Il doit caractériser pourquoi vous n'étiez pas en mesure de faire les manœuvres adéquates avec votre véhicule. Et donc, parfois, on peut faire sauter des procès-verbaux comme ça, mais sachez que ce type d'infraction-là, en revanche, n'emporte pas perte de points. D'accord. Ben, merci pour votre réponse. Merci, Philippe. Les gens qui nous écoutent savent maintenant que lorsqu'on mange ou on boit au volant, donc il faut quand même que ça... il faut faire attention, de même que les gens qui fument, etc. Oui, tout à fait. Merci et bonne journée à vous. À très bientôt sur Réunion Première. Alors, petit rappel tout de même, on récupère les points. Si à l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la dernière contravention qui est devenue définitive, nous ne commettons aucune autre infraction. Donc c'est 3 ans pour la plupart des contraventions. Parfois c'est à 2 ans, mais ces 2 ans-là ne sont que pour les infractions de première à troisième classe. Or, la plupart des contraventions, le téléphone, le sens interdit, le feu rouge, etc., sont des contraventions de quatrième classe. Donc, il faut, en général, attendre un délai de 3 ans pour récupérer la totalité de ces points. De la perte de vos points sur le permis de conduire, comment les récupérer? La contestation de la contravention, on en parle avec notre expert, Maître Comlandivier, avocat du permis de conduire. Les démarches à faire, 02 62 et 99 2000. Et si vous avez suivi un stage de récupération de points, on peut en parler sur la première. Et puis, on peut revenir aussi également sur la loi qui paraîtra l'année prochaine, donc sur les vitres surteintées. 02 62 99 2000. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour La Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. Donc, c'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Je voudrais emmener tous mes amis faire la fête à Miami. Alors il me faudrait les 13 millions d'euros de l'anniversaire loto. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Il est 11h15 sur la première. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Claude Machir, c'est à vous. Il y a toujours à Saint-Louis, sur la place de l'Hôtel de Ville où se déroule en ce moment même une flash mob. Et je suis avec la représentante de la Ligue du Cancer. Bonjour. Oui, rappelez-moi votre... Ginette Salvant, responsable de l'antenne sud. Voilà, Ginette Salvant qui est la responsable de l'hôtel sud et... Justine Bacquet, assistante de communication pour France AVC Réunion. Alors mesdames, la même question à toutes les deux. Comment ça s'attrape et est-ce qu'on en a peur? Lorsqu'on a un AVC, est-ce que les gens autour de vous ont peur? Lorsqu'on a un cancer, est-ce que les gens autour de vous ont peur? Ont peur, elles aussi. Alors on commence avec vous pour l'AVC? Oui, les personnes ont peur car la Réunion, il faut savoir que c'est le premier département français en termes d'AVC. Donc les populations sont plus à risque qu'en métropole. Donc oui, effectivement, les gens ont plus peur ici à La Réunion, oui. Madame, et vous? Le cancer, oui, il fait peur. C'est encore un sujet assez tabou malgré les journées d'information. Et dès qu'on parle de cancer, les gens pensent tout de suite à la mort. Alors, question peut-être stupide, est-ce qu'il y a une parade contre ça? Là, je suis pas malade aujourd'hui, est-ce que je peux dire, voilà, je vais me préparer à ne pas avoir un AVC, ne pas avoir un cancer? C'est assez difficile à dire. Le cancer, il est sournois. On a tous une prédisposition au cancer. Ça se développe ou ça se développe pas. Et c'est lors d'un dépistage qu'on le trouve. C'est pour ça qu'il faut dire, surtout aux femmes, à travers le cancer du sein, de ne pas avoir peur et de se faire les mammographies à temps. Ce qui doit être fait. Et pour l'AVC, qu'est-ce qu'il en est? Pour l'AVC, c'est pareil que pour les cancers. En fait... toute personne peut attraper un AVC. Les populations le plus à risque, c'est à partir de 40 ans. Il faut savoir que maintenant, l'AVC, on peut l'attraper jeune. Et donc, les facteurs de risque, oui, déclenchent plus facilement l'AVC que pour toutes les autres populations. Est-ce qu'il y a une manifestation qui est prévue bientôt, l'une pour l'autre? Nous, on a tout le mois d'octobre, qu'on appelle Octobre Rose. C'est des manifestations qui se font sur toute l'île. Chaque antenne va choisir sa journée et c'est surtout pour parler du cancer du sein. Et vous, AVC? Oui, le 29 octobre, c'est la journée mondiale de l'AVC. Merci mesdames, en tout cas, elles sont présentes jusqu'à 16h sous l'esplanade de l'Hôtel de Ville à Saint-Louis. Je vous invite vraiment à venir ici sur ces stands, vous renseigner, prendre de la documentation et vous repartirez, je pense, beaucoup plus avisé. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Florence, bonjour. Oula, très bien Florence. Est-ce qu'elle est avec nous? Bon, oui, allô. Florence. Oui, bonjour. Mais Florence, vous êtes où? Allô, allô. Florence. Bon, on a de la musique à la place. Jacques. Allô, allô. Jacques, voilà. On va retrouver Imani. Allô? Non, on va retrouver Imani, après on aura Florence au téléphone. Ne bougez pas Florence, s'il vous plaît. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down. My side, do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water. so God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Sur Réunion Première, il est question de la perte de points sur le permis de conduire. Comment les récupérer? Et puis on est là aussi pour parler de la contestation de la contravention avec Maître Comblandivier, avocat du permis de conduire. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Avant d'avoir Daniel au téléphone, Florence est avec nous. Bonjour Florence. Allô, oui, bonjour. Bonjour, vous êtes de la rivière Saint-Louis. Oui, c'est ça, oui. Bonjour ouais. Tout le monde sur le plateau. Bonjour. J'appelle pour avoir un petit renseignement. J'ai mon fils qui a eu un retrait de points sur son permis, à savoir c'était un permis probatoire. Mmh. Donc il a eu 4 points. Et là, il a reçu un courrier comme quoi il doit faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Mmh. Mais le souci, c'est qu'il se trouve hors département. Il est en Allemagne pour 3 ans. Donc moi, je voulais savoir comment ça se passe. Il est en Allemagne en ce moment. Voilà, tout à fait, voilà. Ouais. D'accord. Il conteste ou pas l'imputabilité de cette infraction-là? Ben écoutez, moi j'ai déjà réglé. D'accord. Voilà, voilà, donc... Oui, donc il conteste pas. Effectivement, hein, on le sait maintenant, le règlement de l'infraction vaut reconnaissance de celle-ci et on ne peut plus revenir dessus. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le stage de récupération de points, il peut le faire à tout moment. Il est sur une infraction qui lui a fait perdre combien de points exactement? 4 points. Ah, 4 points. Il s'agissait de quoi? En fin de compte, c'était sur un stop. Donc, les gendarmes, ils ont dit qu'ils avaient brûlé le stop. Mmh. Ben voilà, quoi. D'accord, effectivement. C'est une infraction de 4e classe, mais qui emporte le retrait de points de 4 points, effectivement. Il a un permis probatoire, donc il n'est à ce stade que de 6 points, c'est ça, hein? Il n'avait que 6 points la première année. Il vient de le passer. Donc là, il lui reste exactement... 5 points. 5. Voilà. D'accord. Donc, capital de 9. Ah, sur un capital de 9. Donc, il a commencé à récupérer quelques points, on le rappelle. Hein. On récupère 2 points tous les ans. 2 points tous les ans. Voilà. Lorsqu'on a un permis probatoire. Sauf si on n'a rien eu entre-temps, hein, c'est ça? Oui, voilà. Enfin, non, il faut. Il faut n'avoir commis aucune infraction définitive pour récupérer les points petit à petit pour arriver à 12 à la fin des 3 ans. Donc, alors pour répondre à votre question, effectivement, dès lors qu'il y a 4 points qui lui sont imputés et qu'il se trouve en permis probatoire, le législateur a prévu des stages de récupération de points qui sont obligatoires. Hein. C'est ce que vous avez reçu. Voilà. Vous avez reçu ce qu'on appelle un courrier 48M qui vous indique que c'est une obligation. Voilà. Effectivement, c'est une bonne question. Que faire s'il ne se trouve pas sur le territoire métropolitain? Donc, s'il a l'occasion de faire ce stage-là en sortant du territoire allemand, c'est évidemment la meilleure des choses. Maintenant, oui, mais dans le courrier, il dit qu'il a un délai de 4 mois. Oui, oui. Moi, sinon c'est suspension du permis. Oui, effectivement, c'est une obligation. Hein. C'est ce que je vous dis. Donc, il peut vraiment pas sortir du territoire pendant les 4 mois à venir. Non. Ouais, bah, ça va être compliqué. Alors, à ce moment-là, moi, je lui indiquerai de faire un courrier à la fois au ministère de l'Intérieur et à Monsieur le procureur. Oui. Pour lui indiquer sa situation, lui dire que dans le cadre de ses études, il se trouve en Allemagne, qu'il ne va pas pouvoir faire ce stage-là, mais qu'il s'engage à le faire directement après, et solliciter l'autorisation de le faire après l'échéance des 4 mois. Mais ce ne sera qu'une indication, si vous voulez. Tant que vous n'avez pas cette autorisation-là, ça va être compliqué. Effectivement, cette infraction-là peut tomber. Maintenant, s'il se trouve devant un tribunal pour cette infraction, du fait de, qu'il n'a pas fait le stage de récupération de points, à ce moment-là, il pourra expliquer parfaitement sa situation devant le juge également, qui pourra prononcer une relaxe ou une dispense de peine. C'est aussi un choix. Mais mieux vaut prendre les devants et partir sur cette proposition de faire un courrier pour avertir d'ores et déjà les autorités qu'il ne peut pas faire le stage. Voilà, c'est ce que j'ai à vous proposer. Et en Allemagne, il n'y a pas ça ? Non, non, non. Les stages de récupération de points ne peuvent être faits que sur le territoire national. Sur le territoire national, oui. Auprès des auto-écoles qui font ce type de prestations. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Bon. Bon, après l'Allemagne ne se trouve pas très... Il se trouve également... Oui, c'est ça, hein, c'est pas très loin. Alors, il est dans quel coin ? Trajet de train, peut suffire. Il est dans le nord de l'Allemagne, il est près de la Pologne. C'est vrai que c'est un peu plus loin, malheureusement. Pas loin, enfin, oui, c'est pas à côté de la France, là, oui. Du tout. Bon, ben, je vais suivre ces conseils-là. Voilà. Ok, d'accord. Ben, merci d'avoir répondu à ma question. Donc, merci, Florence. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt sur Réunion Première. Daniel de Sainte-Clotilde. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Bonjour. Et bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Et bonjour et Mathé. Comme l'endivier. L'endivier. Voilà. C'est compliqué pour vous, par contre. Alors, pardon ? Voilà, c'était un peu compliqué pour moi, le nom. Oui, pas de problème. C'est très simple, c'est en 4 lettres, le prénom. Comme... Allez-y, Daniel, allez-y. Bon, voilà, j'ai eu un petit retrait de 1 point. Oui. Alors, j'aime bien Daniel, j'ai eu un petit retrait d'un point. Voilà. Ça reste petit, effectivement. Si tant est que vous ayez vos 12 points, ce ne sera pas très, très gênant. Je vous écoute. Voilà, et c'était limité à 90. Voilà. Oui. Oui. Et vous avez fait un dépassement de moins de 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. J'étais à 105. Ben voilà, oui, vous étiez à 11 au-dessus. 10, 100, à 15 au-dessus. 15 au-dessus, c'est un point. C'est à combien au-dessus pour enlever les points ? Ah bah c'est 1 km heure au-dessus suffit. Hein. Si vous êtes retenu avec une vitesse retenue à 91, la perte de 1 point est définitive. Enfin, si tant est que vous ne contestiez pas l'infraction. En revanche, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce 1 point-là, le législateur a prévu que vous le récupériez au bout de 6 mois seulement, puisque c'est une infraction, cette fois-ci, de 3e classe. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est une infraction spécifique. Le législateur a considéré qu'effectivement, c'était un excès de vitesse, certes, mais un petit excès de vitesse, comme vous venez de le dire, et qu'on peut le récupérer au bout de 6 mois, si tant est que vous ne commettiez aucune autre infraction pendant ce délai-là. Donc là, par exemple, vous l'avez payé l'infraction, la contravention, à quelle date ? Ah, j'ai payé 2 jours après même. 2 jours après, mais c'était quand par rapport à aujourd'hui ? Il y a combien de temps ? Bon, c'était le mois de juin. Au mois de juin, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En décembre, vous récupérez la totalité. Ce point-là, vous le récupérez du moins. Ah d'accord, s'il n'y a pas d'autres infractions. Exactement. Et voilà, à part cette infraction-là, vous êtes à combien de points sur votre permis ? Ah ben, je suis toujours à 12, mais là, j'ai 11. Bon, vous serez à 12 à partir de décembre si vous vous tenez à carreau. je vais essayer. Ce sera votre cadeau de Noël. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci Daniel. Avant de se quitter, Maître Comlandivier, les démarches à faire, s'il vous plaît, pour la contestation de la contravention. Alors, effectivement, les démarches, elles sont certes simples, mais il faut le respecter à tout prix, à défaut de se voir devoir déclarer sa requête en exonération irrecevable. Donc, à partir de l'avis de contravention que vous recevez à votre domicile, par voie postale, vous avez 45 jours pour élever une contestation, former une requête en exonération. Donc, vous avez ce qu'on appelle une requête en exonération proprement dite, c'est un feuillet bleu qui est normalement inséré dans ce volet-là. Dans ce pli postal, vous indiquez vos noms, prénoms, etc., tout ce qui est demandé, permis de conduire, et par la suite, la plupart du temps, vous allez cocher la case numéro 3 qui correspond à une contestation dite libre, c'est-à-dire que vous allez exposer les motifs de fait et de droit qui, selon vous, permettent de contester l'infraction qui vous imputait jusqu'alors. Donc 45 jours, je l'ai dit, tout cela par lettre recommandée, accusé de réception. Sachez également qu'on peut le faire maintenant par Internet. C'est un service qui peut être pratique et qui peut vous et qui va d'ailleurs vous faire quand même économiser ce temps que vous pouvez perdre à aller à la poste pour poster le recommandé. Et puis, c'est 4,95€, je pense, pour un pli à peu près. Ça vous fait économiser ses frais, c'est plus rapide. Donc, c'est le site de l'ANTAI qui a mis en place ça. Et c'est tout à fait possible pour toutes les procédures liées notamment au flash, et au flash feu rouge également, mais à La Réunion, nous ne sommes pas concernés. Donc, 45 jours, une consignation à ne payer que si elle est mentionnée sur votre avis de contravention. À défaut, l'officier du ministère public va considérer que vous payez l'amende et à ce moment-là, vous ne pourrez plus revenir dessus. Voilà, je crois que j'ai tout indiqué. Ouais, et puis alors le site ou les sites pour consulter le nombre de points qu'il nous reste sur le voilà, permis. Bah on parle de télépoint.fr. Télépoint.fr et puis il y a également ce site, nouveau site mis en place de nouveau par le ministère de l'Intérieur qui s'appelle permis de conduire.antas.gouv.fr. Je vérifierai ça. En tous les cas, si vous tapez dans Google France Connect permis de conduire, vous tombez sur ce site-là. Voilà, on va vous demander votre numéro d'identification fiscale. Je le répète, hein, il faut le savoir, mais ça vous permettre effectivement de regarder vos points au jour, à ce jour. Voilà, c'est actualisé tous les jours. Donc, de ce point de vue-là, on n'aura pas de surprise. Maître Comblain-Divier, avocat du permis de conduire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour merci cet éclairage avec les auditeurs de la première. À très bientôt. Sur vous. Toujours ce que j'imaginais. I wanna make it through, create a future, it's true. It's not a matter of when. I may be young, but wait, there is no time to waste. They tell me no, but I can. Yeah, yeah, yeah. J'ai fait tout ça pour vous. Les galères, les concerts sous la pluie en hiver. Because I did this for you. Even though there were problems in life. Moment. Oh, mama, I think I did it again. Un peu plus de 5 minutes, nous irons retrouver à Saint-Louis Jean-Claude Machy qui suit le CRC Tour donc pour Réunion Première. Bachir qui patiente du côté de Saint-Louis. La tête dans les étoiles sur Réunion Première. Ce dimanche, vous avez rendez-vous avec les étoiles. Natacha Tortilla, tout en fond de cœur, à partir de 18h. Annie Darancourt nous parlera du livre Contes et croyances populaires de la Réunion et de 20h à 22h, Jean-Pierre Joséphine, Max Dallot, Eric Avan dans votre émission Jazz Ali, présentée par Jean-Claude Machir. Ce dimanche, de 18h à 22h, La tête dans les étoiles et Jazz Ali sur Réunion Première. Première. Dans moins de 5 minutes, les communiqués sur la première et les avis de décès. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Jean-Claude Machir, quel temps déjà vous avez sur Saint-Louis, Jean-Claude ? Ben, une brise légère, mais le temps reste agréable. Mais le vent s'est levé, en tout cas. Mais du soleil encore à l'horizon. Alors, les gens se déplacent, viennent à la rencontre de ces associations, notamment comme Parkinson, Alzheimer, AVC, viennent poser des questions. Le public se déplace ? Oui, le public se déplace. La communication a été bien faite. Surtout, je soulignerais quand même, sur Saint-Joseph, nous avons beaucoup plus de monde. Alors, est-ce qu'il est encore trop tôt pour que les gens viennent ici ? C'est vrai que ce matin, on n'a pas eu la grande foule que nous avions hier. Hier, on a dépassé plus de 600 personnes. Aujourd'hui, nous en sommes, et Mme Lebon ne me démentira pas, nous en sommes environ 200-300 personnes depuis ce matin. Ouais. Exactement, je pense vers 300 personnes. Voilà, en tout cas, c'est une manifestation qui est quand même assez réussie. Le stand qui fonctionne le plus, et il faut le souligner, c'est le stand de l'association socio-esthétique de La Réunion. Depuis ce matin, un autre regard. Alors certainement aussi dû avec notre intervention avec Guillaume, les gens viennent voir, les gens viennent découvrir, les gens viennent se faire soigner, se faire dorloter. Et c'est vraiment l'association sur laquelle nous avons le plus de monde ce matin. Alors, Madame Lebon, vous allez être là jusqu'à 16h, demain vous déménagez, et dimanche aussi ? Non, à ma connaissance, pas dimanche. Effectivement, demain nous serons sur le front de mer de Saint-Paul, avec mes collègues donc de la CRC. Il y aura les spécialistes de retraite, mutuelle santé, mutuelle décès, et il y aura aussi quelqu'un pour présenter notre action sociale. Alors, le fait de venir rencontrer ces différentes associations, est-ce que je peux venir aussi avec mon dossier de retraite, et est-ce que vous avez la possibilité de me renseigner sur place ? Effectivement, nous sommes équipés, nous pouvons répondre aux questions en direct, puisque nous avons apporté ce qu'il faut pour pouvoir répondre au mieux aux personnes qui se déplacent. Merci à vous, Madame Lebon. Vous l'avez compris, jusqu'à 16h, je vous invite à nous rejoindre sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Louis pour vous renseigner sur toutes les maladies que vous avez citées, Claude. En tout cas, c'est une action avec toutes ces associations qui est bienfaisante, qui est agréable. Vous êtes bien accueillis et bien renseignés, surtout sans a priori. N'ayez pas peur de venir sur ces stands, comme on vous le disait tout à l'heure pour l'AVC ou pour le cancer. On est là pour vous renseigner, vous conseiller efficacement. Merci Jean-Claude. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Oh vai vai vai vai. À la anti mélodie pou. Écoute Amélie va faire voyage à hôtel un petit poème. Si c'est écrit pour où mamzelle. M'y connais que moi la jamais été parfait. Mais auprès de où les efforts moi l'a accumulé. Et ça où connais. Et ça où connais. Mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là, doudou pour où mon l'amour. Il s'en sera pas, il s'en sera pas. Mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là, doudou pour où mon l'amour. Il s'en sera pas, il s'en sera pas. Parce qu'il est en moi qui si on m'a fini mon épée. Parce qu'il est en moi que si vous mon café mon demi mille ans va me laisser à bout fort de dire mes amours. Les passés compliqués malgré tout ça l'a se passé dans mon cœur où les graver et ça a jamais et ça a jamais. Même si Zordi ou V aller loin, il s'agrine à moi qui ou ça va sans moi. T'es lié en mon main, dis à moi, et des nids fois couillé ma main. Parce que m'il est en moi qui est si ou mon café, mon demi, oui, mais non, pas ou m'il est à bout fort. Et des nids fois comme un trésor. pe pa fonsa ou, mi pe pa reteni a ou. Mais sa ske zame, mi va oublia ou. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Li chagrin a moi qui ou ça va sans moi. Mi pe pa fonsa ou, mi pe pa reteni a ou. Mais sa ske zame, mi va oublia ou. Parce que mi le a moi qui est si ou. Mon gafin mou le pi oui mi la ou. A ou mi se a ou fort. Et dini fa pou me mon trésor. Métis sur la première. Merci d'écouter Réunion Première. Il est 11h49, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Zite Charles-Louis Gaston. Monsieur Zite Charles-Louis Gaston, décès survenu à l'âge de 86 ans. Le convoi sortira de son domicile au 25 rue Lagon à Saint-Leu. Les dates et les horaires, notamment des obsèques, vous seront précisés ultérieurement. Décès de Monsieur Rivière-Lucot-Joseph. Monsieur Rivière-Lucot-Joseph, décès survenu le 16 septembre aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud demain samedi 17 septembre à midi. La bénédiction aura lieu en l'église du centre funéraire sud, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Fanchin Charles-René Marcel, ancien gardien du cimetière de Brabannon. Monsieur Fanchin Charles-René Marcel, décès survenu hier à l'âge de 92 ans. Le convoi sortira de son domicile au 20 chemin Dufour à Brabannon. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Brabannon à 16h, suivi de l'inhumation au cimetière de Brabannon. Décès de Monsieur Fontaine Mary José. Monsieur Fontaine Mary José, décès survenu à l'âge de 82 ans. La veillée a lieu à son domicile au 26 rue de Faux, à la Ravine Citron à l'entre-deux. La prédication aura lieu au domicile demain samedi 17 à 11h, suivi de la bénédiction à 13h en l'église de l'entre-deux. L'inhumation au cimetière de l'entre-deux à 14h. Décès de Madame Lebon, Marie-Rosine. Madame Lebon, Marie-Rosine, décès survenu à l'âge de 98 ans. La veillée se fait au domicile, au 17 rue Guy de la Ferrière à Saint-Joseph. Le convoi sortira du domicile aujourd'hui à 14h15. La bénédiction en l'église du Butor à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Joseph. Décès de Monsieur Duchemin, Joseph-Étienne. Monsieur Duchemin, Joseph-Étienne, décès survenu à l'âge de 63 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile au 81 route de Maragoya à Salazy. Aujourd'hui, vendredi 16 à 14h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Salazy à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de Salazy. Décès de Monsieur René Gilbert Alfred. Monsieur René Gilbert Alfred, décès survenu à l'âge de 74 ans, domicilié originaire donc de Saint-Denis. Le convoi sortira du CHT de Belle-Pierre. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Mascarel, née Barbarin Cécile Thérèse. Madame Mascarel, née Barbarin Cécile Thérèse, domiciliée à Belle-Pierre. Décès survenu à l'âge de 80 ans. La veillée se fait au centre funéraire de Prima. À partir d'aujourd'hui, à partir de 14h, la bénédiction aura lieu demain à 10h au centre funéraire de Prima, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Étang-Salé. Décès de Madame Poune, Sergine Marie-Chantal. Madame Poune, Sergine Marie-Chantal, décès survenu en métropole à l'âge de 55 ans. L'urne arrivera à La Réunion demain, samedi 17 septembre. Un moment de recueillement et une bénédiction aura lieu au centre funéraire de Bois-Rouge, à Sainte-Marie. Demain à 14h, suivi du dépôt de l'urne en colobarium au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Madame Veuve Rajosefa Nemayo Marie-Paulette. Madame Veuve Rajosefa Nemayo Marie-Paulette, décès survenu à l'âge de 76 ans. Une veillée a lieu depuis hier, donc au centre funéraire de Prima. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui à 14h15. La bénédiction aura lieu en l'église de la Possession à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Madame Céline Govindasamy, France. Madame Céline Govindasamy, France. Décès survenu à l'âge de 89 ans. La veillée a lieu au domicile au 79 avenue François Mitterrand à Terre Sainte, à Saint-Pierre. Le convoi sortira du domicile aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu au domicile à 13h, suivie de la crémation. Décès de Madame Técher Danielle Annie Gisèle. Madame Técher Danielle Annie Gisèle, décès survenu à l'âge de 46 ans. Un discours biblique aura lieu aujourd'hui à 13h30, suivi de la crémation au centre funéraire de Prima. Décès de Monsieur Célie Virapin Anthony Dialex. Monsieur Célie Virapin Anthony Dialex, décès survenu aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Le convoi sortira au 40 rue Désiré Barquisseau à Saint-Pierre. La bénédiction aura lieu en l'église de Bon Pasteur, suivie de l'animation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Waro Charles Willy, gérant de station Caltex au Tampon. Monsieur Waro Charles Willy, décès survenu à l'âge de 83 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui après la bénédiction. Une bénédiction qui aura lieu en l'église, en la chapelle ardente du Tampon à 16h30, suivie de l'inhumation au cimetière du Tampon. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunie Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Communiqué de Veolia qui informe ses clients de la commune de Saint-Pierre que suite à un éboulis survenu sur le captage du bras de la plaine, il a été constaté une augmentation de la turbidité de l'eau sur les secteurs suivants. Alors sur le secteur notamment de Bassin-Martin, Bassin-Plat, la concession Condé, Ligne Bambou, Montvert-les-Bas, Piton-Montvert. Les abonnés doivent prendre la précaution de ne pas consommer l'eau. Il est conseillé d'utiliser de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet et la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la consommer. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tout usage sanitaire, les toilettes, lavage, etc. Donc les dispositions restent valables en cas de persistance des pluies et pendant 24 heures après un retour à la normale. I can feel something inside me saying,